Prends-moi-le, ce qui veut la speed. J'ai tous mes man, dit comme un homme qui parle du style. Qui le nomme, les stars tous pour ton band. Box, t'es gaffe tous, qui t'attendent. Baby girl, mais qui déconne tous pour dire qu'ils détrônent. Qui bêtard, mec, tu as step by. Comment secta, comment c'est le clan, comment c'est, comment sur le son. Tu sais c'est qui vient frapper. J'pose sur le beat et mets le feu au plancher. Marie m'est toujours bien trouvée. Oh, t'inquiète, je te le fais. La force X, et même je sors de l'eau. La force X est forgée dans la pénombre. Je t'explique, ne me fais surtout pas d'eau. Et Bambi, je ne voudrais pas que tu sombres. Mon doux, c'était la source de ma destinée. La groove, quand on éveille, ouais, ma septimée. Quand je l'ouvre, mon or, tu peux m'estimer. Yo, cause, reste avec nous, on va festiner. Yeah, à quel moment, tu sais, ce texte est fort. C'est qui représente le rhythm ou franc ou flat ou quand je casse la cadence. À chaud, à neige, j'affiche la différence. Reconnais-tu ma vie, je suis mon seul yard qui fait vibrer tes tifs, mon ex. T'as j'arrive, mais t'as mis en Dex. C'est rien, j'en vas-y. Hey, regarde, comme on a le promet. J'ai la flamme, et sans aucun. Ha ha.